J'étais sain d'impressionner les femmes, mais tu vas te fourrer. Vous êtes tous identiques, vous essayez de chercher bif. J'suis tanné de pas prendre zik. Tous ces gens qui veulent juste du putain de fric, essayez donc d'être intelligent au lieu de faire vos fendants. Vous copiez les uns sur les autres, pis après ça c'est de ma faute. Mais c'est vous qui parlez arabe, vous faites comme si vous étiez quelqu'un d'autre. Parlez donc tous normalement, j'vous le dis amicalement. Mais moi j'trouve ça alarmant, pourquoi aujourd'hui vous pognez autant? Ouais, dans mon temps on parlait de vraies affaires. S'en va dans le rap calvaire. Pathétique, comment il faut que je vous l'explique? Vous faites pitié un par un, pour moi vous êtes tous défunts. Moi c'est ma façon de rapper, je vous la mic votre morale, je veux saper. Mais je crois pas que vous aviez compris la définition vie à vie. J'suis pas le putain de chier, je suis pas les autres, vous savez très bien. Je veux simplement vous informer que je vais obtenir ce que je veux. S'il faut je vais vous dis, je n'en fais pas tout un plat. Vous êtes tous des petits gris, la vengeance est un plat qui se mange froid. Là vous allez fermer votre gueule puis me laisser créer une place. Je rentre dans le rap game, il faut que ça fasse ses lives, que rien ne me semble néfaste. Des jaloux pis des haters, ça l'honneur pour toute la vie. Mais c'est pas vos rabaissements qui vont faire perdre ma joie de vie. Pendant que je fais de la musique, je crois que je deviens névrosique. Vous perdez tous votre temps, faudrait changer de life pis faire différemment. Ben vous êtes tous des moutons, il faut se mêler de ces oignons. Fixez-vous dans une passion au lieu de vous suivre tous comme des cons. Je vais détruire votre passion, ça l'aise, c'est ça la solution. Pis là ne pensez pas que je dise tout le rage, mais pas tout le monde dans le même bateau. Au Québec, on est québécois, je veux jamais changer notre langue. Vous croyez quoi? Yeah, je veux tout le monde m'écoute. Aujourd'hui, je vous fais une joute. Je veux que tout le monde m'écoute. Aujourd'hui, je vous fais une joute.